Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous entrons dans un nouveau temps liturgique qu'on appelle l'Avent. Donc, je fais un petit peu d'orthographe, là, juste pour pas que vous vous trompiez, c'est A-V-E-N-T et non pas A-V-A-N-T, même si c'est le temps avant Noël, ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on a utilisé le mot « avant ». Donc, le mot « A-V-E-N-T » vient du latin qui veut dire « adventus », qui veut dire « la venue ». Le Seigneur vient. On le sait, il est venu maintes et maintes fois dans l'histoire et spécialement dans l'Ancien Testament. Dieu est venu parler à son peuple. Il y a eu des théophanies, hein, des manifestations de Dieu. Il est aussi venu parfois parler à son peuple par la bouche des prophètes et par différents signes. Mais sa venue a été encore plus éminente à l'incarnation, hein, au moment où Jésus, où la deuxième personne de la Trinité s'est faite chair en la personne de Jésus. Ensuite, Jésus a dit « Je pars vers mon Père, vous préparez une place ». Et notre foi nous dit qu'un jour, à la fin des temps, Jésus va revenir. Mais cette fois-là, alors que dans sa première venue, lorsqu'il est venu dans la crèche, il est venu en voilant, en masquant sa divinité, hein, il fallait être très attentif pour s'apercevoir qu'il était fils de Dieu, on dit que sa nouvelle venue sera une venue dans la gloire, c'est-à-dire où sera manifeste ce qu'il est, et cette lumière, cette divinité enveloppera tout l'univers. Et par cette lumière sera aussi mise en lumière chacune de nos vies, ou dans sa non-consistance, si ma vie est vide, vide de choix significatifs, ou dans, à l'inverse, tout son poids de charité que j'ai su y inclure et son poids de foi. Donc, c'est pour ça que Jésus nous invite à veiller. Donc, le texte, l'évangile d'aujourd'hui dit « Prenez garde et veillez ». Jésus parlait à ses disciples de sa venue « Prenez garde et veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Avec quand la fin du monde, on ne le sait pas. » Peut-être que notre fin personnelle, de toute façon, va arriver avant la fin du monde. Donc, ça nous invite à être de toute façon toujours prêts. Même notre fin personnelle, on ne la connaît pas le moment. Et il nous dit, il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé au portier de veiller. Donc, Jésus compare Dieu à un homme, ou compare même Jésus lui-même se compare, hein, quittant lui-même qui est venu dans sa maison, qui est l'humanité, est parti comme pour un long voyage, et il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, et spécialement aux humains. Jésus et Dieu nous fait confiance et vous fait confiance. Il nous donne toutes sortes de potentialités. Il nous donne, entre autres, déjà nos facultés naturelles pour connaître le bien, pour le choisir, notre liberté, pour le choisir librement, pour n'y porter. Mais il donne aussi à ses serviteurs, et entre autres à son Église, toutes sortes d'autres pouvoirs, entre autres le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de communiquer son Esprit Saint dans les sacrements. Donc, il nous fait éminemment confiance et il dit, c'est comme s'il partit. C'est-à-dire qu'il se fait plus discret et en un sens, on pourrait dire, ah ben, le boss est parti, je peux faire ce que je veux maintenant. Attention. Il est parti, mais il reviendra. Et ce maître de maison aussi, il a fixé à chacun son travail. À chacun nous est confié une mission que nous sommes appelés à découvrir tout au long de notre vie. Notre mission peut être très liée à notre travail, mais aussi elle peut être un peu distincte de notre travail, ou parfois justement, peut-être qu'on ne peut pas travailler. Et notre mission alors sera peut-être autre. Ce sera peut-être une mission de prière, une mission d'offrande, une mission de charité diverse. Mais tous, à tous, le Seigneur nous confie une part de sa mission qui est, c'est quoi la mission de Jésus? C'est de réconcilier, c'est de refaire le pont entre Dieu et l'humanité. Il nous associe à cette construction de ce pont. Encore une fois, c'est le contexte d'une maison dont parle Jésus, donc c'est un contexte de bienveillance, c'est un contexte de confiance, et saint Paul le met en lumière, hein, il dit « Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Au fond, il y a un appel fondamental pour toute vie, pour la mienne, pour la vôtre. C'est cet appel à l'unité, l'intimité profonde avec Dieu. C'est notre appel fondamental. Et l'appel à veiller, au fond, c'est un appel à veiller sur cette relation fondamentale avec Dieu qui est une relation de confiance et une relation d'amour. Qu'est-ce qui peut blesser? Qu'est-ce qui peut être l'inverse de veiller? Hein, Jésus nous dit de veiller. Car vous ne savez pas, il peut venir le soir ou à minuit ou au chant du coq le matin. Il pourrait arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Mais qu'est-ce qui nous endort? Qu'est-ce qui nous endort? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous éloigne de la relation avec Dieu? Eh bien, ce qui nous endort, ce qui nous engourdit le plus admirablement, c'est entre autres le péché. Pourquoi? Parce que dans tout péché, dans le fond, il y a une séparation d'avec Dieu. Donc, dans tout péché, d'une certaine façon, je fais à ma tête et je m'éloigne, hein, de ce Dieu qui a des désirs bienveillants pour moi. Donc, une des meilleures façons pour veiller, c'est entre autres de mettre le péché à la porte de notre vie. Et une façon toute simple, et d'ailleurs l'Église le recommande fortement dans les temps de l'Avent ou avant Noël aussi, c'est de vivre le sacrement du pardon. On aura une célébration dans deux semaines, donc plus significative à ce niveau-là. Mais vous savez qu'à chaque messe, hein, d'ailleurs il y en a derrière aussi, vous savez qu'à chaque messe ici, il y a des prêtres disponibles pour vivre le sacrement du pardon. Donc, c'est une façon de veiller. Mais pourquoi veiller, encore une fois? Pourquoi, encore une fois, je disais que Jésus veut se faire, veut se donner à nous. À Catherine de Sienne, je crois que c'est à elle, en tout cas à une mystique de notre Église, il a dit, « Fais-toi capacité ». Et moi, je me ferai torrent. Fais-toi capacité, et moi, je me ferai torrent. Une période d'attente, une période de veille. Hein, quand on veille une nuit, là, peut-être certains parmi vous êtes de garde dans les hôpitaux. Ben, quand on veille la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure qu'il n'y a pas de problème, mais aussi, bien des fois, on attend que le matin arrive. On a hâte que le jour se lève. Donc, la veille, veiller, ça veut dire attendre. Attendre, c'est pas une attente de n'importe quoi. L'attente, c'est une attente qui est pleine d'un désir. Mais c'est un désir qui espère quelque chose, qui espère un bien. Et ce bien que nous attendons, que nous désirons, que nous espérons, c'est quoi? C'est que Dieu lui-même vienne compenser tous les creux de ma vie. Parce que ma vie, parfois, ressemble à un désert. Au lieu d'être une plénitude, hein, comme un verre ou une assiette qui déborde, ma vie, des fois, ressemble plutôt à un creux. Mais Dieu nous dit, attention, le creux n'est pas mauvais en soi. Et c'est toute l'histoire du passage du peuple au désert. Hein. C'était comme un creux, ce passage du peuple au désert, mais un creux finalement qui a fait en sorte qu'il a crié de plus en plus vers Dieu pour au fond s'ouvrir à lui. Parce que souvent, on ne peut pas recevoir Dieu. Pourquoi? Parce que notre cœur est déjà trop plein. Mais trop plein d'autre chose que de Dieu. Et c'est pour ça que souvent les épreuves de notre vie, elles ne sont pas positives en elles-mêmes. Mais quelquefois, elles permettent de constater qu'au fond, oh, il manque vraiment quelque chose dans ma vie. Je suis pas heureux, je suis insatisfait, je me sens vide. Et là, on se met à crier vers Dieu. Et c'est ce que fait le prophète Isaïe, hein, dans la première lecture qu'on a lue. « Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur, tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs. » Hein, c'est un cri, cette prière-là du prophète Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient comme cire. » Parfois, il ne faut pas se gêner de crier vers Dieu. Hein. La Bible nous le permet, les prophètes nous mettent des mots dans la bouche. Et dans les psaumes, il y a aussi toutes sortes de cris. Donc, le temps de l'Avent et toute notre vie est un grand temps d'attente et d'espérance. Faisons-nous capacité. Et pour ça, encore une fois, crions vers Dieu. Et Dieu reviendra. Le texte du prophète Isaïe dit encore, « Nous étions tous semblables à des hommes souillés, toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis, nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi. Hein? » Le prophète Isaïe est très réaliste. « Je ne peux pas faire valoir, Seigneur, tous mes mérites. » Et les mérites de mon peuple, on te laissé de côté. Et c'est encore vrai pour aujourd'hui. Si on attend le Seigneur, puis si on lui dit « Viens-t'en », c'est pas parce qu'on lui dit « Viens-t'en, notre cœur est tout beau, tout prêt, tout pur, maintenant, viens-t'en, tu peux venir. » Non, c'est parce que notre cœur va pas. Ça va pas bien, Seigneur, viens-t'en. Viens dans ma vie, viens dans notre société aussi, viens tasser. Et pourquoi, pour quelle raison donc tu viendrais? Si ce n'est pas parce qu'on est pur et parce qu'on est déjà bon, le texte dit « Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Hein, » il avait commencé de la même façon. « Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. » Donc, pourquoi on t'espère? C'est parce qu'on sait, Seigneur, que tu es un Père. C'est-à-dire, un Père, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime toujours ses enfants, même lorsqu'ils ont fait des bêtises. Et spécialement lorsque l'enfant pleure et qu'il crie, qu'il revient vers lui pour guérir ses blessures, pour le relever, lui remettre sur ses pieds. Et donc, c'est pour ça qu'on dit au Seigneur, viens-t'en, tu es notre Père. Alors, saint Paul nous dit, dans la deuxième épître, c'est lui qui vous fera tenir jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas par nos mérites, encore une fois, ce n'est pas par notre force. Si on pense tenir par notre force, c'est perdu. Mais saint Paul nous dit, c'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout. Il y dit, « Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur. » Mais quels sont ces dons spirituels? Je vais juste en mentionner l'un ou l'autre, mais il y en a plein. Hein, pour veiller, si on reprend la comparaison de la veille, si on sait qu'il faut tenir toute la nuit, on pourra demander à nos infirmières si c'est vrai, mais ça prend entre autres de la lumière. S'il fait tout noir partout, ben là on va s'endormir nous aussi. Donc ça prend une lampe. Eh bien, un des dons spirituels que Dieu nous donne, il nous donne sa parole, qui est une vraie lampe. La parole de Dieu est une lampe sur nos pas. Et nous sommes invités à lire et méditer la parole, spécialement dans ces semaines qui viennent avant Noël. Ressortons notre Bible, sortons la poussière et remettons-nous à lire la Bible. On a eu une belle journée, Lectio Divina. Quelques-uns parmi vous étaient avec nous le samedi. Lire la Bible, on est appelé à le faire. Prendre un temps en silence pour se laisser visité, fécondé par la parole de Dieu qui fait naître quelque chose de nouveau dans notre cœur, qui fait naître une joie nouvelle, une action de grâce même, des lumières qui me guident, hein, qui m'indiquent « Ah, c'est par là le chemin ». Donc, ayons une lampe pour tenir dans notre veille. Si on veille pendant plein d'heures, de nombreuses heures, à un moment donné, on va avoir des petits creux, on va avoir faim. Donc, ça prend aussi de la nourriture pour veiller. Eh bien, Dieu lui-même se donne en nourriture pour notre veille. À chaque fois qu'on va à la messe, qu'on adore, qu'on prie, c'est de la nourriture que le Seigneur nous donne. La parole elle-même est une nourriture. Mais l'Eucharistie, le pain de vie qu'on va recevoir tantôt, c'est une vraie nourriture. C'est du pain pour la route. C'est Jésus lui-même qui nourrit notre être relationnel pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut pour tenir jusqu'à son retour. Et aussi, je pensais au froid, entre autres, parce que je suis en train de préparer les randonnées sauvages et je me disais, pour pouvoir veiller sans geler, ça prend aussi de la chaleur. Qu'est-ce qui est un don de chaleur dans notre vie chrétienne? Eh bien, c'est toute notre vie de charité. Je nous invite et je vous invite à veiller dans la charité, c'est-à-dire de faire des petits actes de bonté à chaque jour. On pourrait se mettre un petit défi. Est-ce que j'ai fait un petit acte d'amour? Une parole bienveillante, un petit service, un moment de qualité? Est-ce que j'ai fait un petit effort pour aller vers quelqu'un avec qui, spontanément, j'aurais moins été? Et plus je vis de cette grâce de la charité, qui est au fond cette chaleur relationnelle qu'on cherche, hein? Quelquefois on dit « Wow, j'ai été à telle réunion, puis, ou à telle rencontre, c'était froid ». Qu'est-ce qu'on veut dire, c'était froid? Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de bienveillance. Donc une façon de veiller pour ne pas passer à côté de ce Jésus qui vient, de ce Jésus qui est amour, nous-mêmes on doit veiller dans ce même amour, dans cette même bienveillance les uns envers les autres. Voilà, donc je vais m'arrêter maintenant, mais demandons au Seigneur cette grâce de revenir. Oui, Seigneur, toutes nos souffrances, tout ce qui manque un peu dans notre vie, au lieu que ça nous éloigne de toi, Seigneur, fais que ça crée encore plus un espace. Oui, je veux m'en servir, Seigneur, pour crier vers toi ce soir, pour que tu viennes encore plus dans ma vie avec telle difficulté avec laquelle je me débats, ou dans telle relation, dans ma famille ou dans le monde du travail. Viens, Seigneur, viens nous sauver, viens rétablir ta paix, ta joie, ton amour. Amen.